إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله تعالى وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أما بعد فنواصل بإذن الله تبارك وتعالى دراستنا لكتاب شرح حديث جبريل في تعليم الدين لعلامة عبد المحسن العباد حفظه الله تعالى. وقد ذكرنا في الدرس الماضي وتكلمنا عن الشفاعة, شفاعة النبيون والملائكة والمؤمنون في إخراج أهل الكبائر من النار, كما أننا تكلمنا عن الجنة والنار وبينا أنها أو أنهما موجودتان وأنهما لا تفنيان, وذكرنا الأدلة الدالة على ذلك, كما أننا تكلمنا عن الإيمان أو عن الإيمان برؤية المؤمنين ربهم في الدار الآخرة. Donc nous continuons inshallah ta'ala notre explication du hadith de Jibril alayhi salam, explication faite par Cheikh Abdul Muhsin Al-Abbad, qu'Allah le préserve. Nous avions parlé la semaine dernière de l'intercession que feront les prophètes, que fera également les anges, que feront les anges et les croyants, l'intercession auprès d'Allah subhanahu wa ta'ala, afin qu'ils sortent de l'enfer ceux qui ont commis les grands péchés. Et les hadiths relatant cette intercession sont mutawatir, comme nous l'avons vu la semaine dernière. De même que nous avions parlé de la croyance au paradis et à l'enfer, et que le paradis et l'enfer sont à l'heure actuelle existants, nous avions apporté les preuves qui démontre que c'est la vérité. Nous avions ici répondu à la secte appelée Al-Mu'tazila, qui prétend que le paradis et l'enfer n'existent pas à l'heure actuelle, car leur existence serait inutile. Et Cheikh Abdul Muhsin Al-Abbad, qu'Allah le préserve, leur a répondu en citant trois arguments. Qui peut me les citer? Les trois arguments que Cheikh Abdul Muhsin Abbad a cités ou a dit pour répondre à cette secte Al-Mu'tazila qui prétend que le paradis et l'enfer n'existent pas. Ou plutôt, que leur existence serait inutile s'ils existaient, comme ils disent. Qui peut me citer les trois arguments cités par Cheikh? Bachir, attends. Pour pousser l'être humain à faire du bien, pour s'écarter du mal. Parmi les réponses que Cheikh a données, c'est que l'existence du paradis et de l'enfer est un bien, car le fait de connaître le paradis et la description que nous en a fait le prophète sallallahu alayhi wa sallam, cela pousse le croyant à accroître les actes d'adoration. De même que de savoir que l'enfer existe et de connaître ce que le prophète sallallahu alayhi wa sallam nous a donné comme description des châtiments de l'enfer, cela pousse le croyant à s'éloigner des péchés qui encourent la colère d'Allah subhanahu wa ta'ala. Donc ça c'est un des trois arguments que Cheikh a cité. Qui peut me citer les deux autres? Qui peut me citer les deux autres? Le hadith par rapport à la grappe de raisin. Le hadith par rapport à la grappe de raisin, non, ce n'est pas un délit que Cheikh a cité. Le supplice de la tombe. Le Cheikh a dit aussi, parmi les arguments qu'il a cités, c'est que le paradis et l'enfer, eh bien, les bienfaits du paradis seront ressentis avant le jour du jugement. Et le Cheikh a cité également le hadith de la tombe qui décrit les supplices et les délices de la tombe, et que celui qui aura répondu aux questions des anges, Allah subhanahu wa ta'ala fera de sa tombe un jardin parmi les jardins du paradis, et l'odeur du paradis lui parviendra et il sera heureux de recevoir cette odeur. Donc c'est une preuve que le paradis et l'enfer servent à quelque chose, entre autres, et que les bienfaits du paradis seront ressentis dans le monde du barzakh, le monde intermédiaire qui est le monde de la tombe. De même pour l'enfer, celui qui n'aura pas répondu aux trois questions que les anges leur poseront, le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit que leur tombe sera un trou parmi les trous de l'enfer, et la chaleur de l'enfer parviendra à cette personne qui n'aura pas su répondre aux questions des anges. Donc deux arguments que le Cheikh a cité, et le troisième argument que le Cheikh a cité également, ce sont tous les versets et tous les hadiths du prophète sallallahu alayhi wa sallam qui nous citent le paradis et l'enfer. Ces versets et ces hadiths nous citent le paradis et l'enfer. C'est donc une preuve que le paradis et l'enfer existent. Et cet argument à lui-même ou à lui seul suffit amplement. De même que Cheikh a répondu, on a cité que le paradis et l'enfer sont éternels. Ils ne s'épuiseront jamais. Et la preuve qu'il a citée sont les hadiths et les versets qu'Allah subhanahu wa ta'ala a cité dans le Coran lorsqu'il dit que ceux qui seront au paradis y resteront éternellement, de même que ceux qui n'auront pas cru en Allah subhanahu wa ta'ala, qui ne se sont pas soumis à l'islam, qui ne se sont pas convertis à l'islam, resteront ou connaîtront l'enfer éternellement. Et nous avions aussi parlé de la vision qu'auront les croyants, la vision qu'ils auront d'Allah subhanahu wa ta'ala, du visage d'Allah subhanahu wa ta'ala. Et on avait cité que c'était le plus grand des bienfaits qui sera donné aux croyants au paradis. Et nous avions répondu, le Cheikh avait répondu à ceux qui ne croient pas en cette vision, et a répondu à leur argument. Par exemple, comment le Cheikh a répondu à ceux qui utilisent le verset où Allah subhanahu wa ta'ala a dit à Moussa, tu ne me verras pas. Comment le Cheikh leur a répondu? Qui peut me répondre? Lorsque le verset où Moussa alayhi salam demande à Allah de se montrer à lui, et Allah subhanahu wa ta'ala lui a dit, Allah subhanahu wa ta'ala lui a dit, tu ne me verras pas. Regarde cette montagne, si elle reste comme elle est, alors tu me verras. Et ensuite Allah subhanahu wa ta'ala a ordonné ou a anéanti la montagne, et Moussa alayhi salam est tombé évanoui. Donc lorsqu'Allah subhanahu wa ta'ala lui a dit tu ne me verras pas, certains utilisent ce verset pour dire que les croyants ne verront pas Allah subhanahu wa ta'ala, ne le verront jamais. Comment le Cheikh a répondu à ce faux argument que citent les sectes? Il y a une différence entre le fait de voir la chose et de l'atteindre. Ça, c'est un autre verset. Le fait de voir une chose et de l'atteindre, ça, c'est un autre verset qui est également utilisé. La tudrikuhu al-absar wa huwa yudrikul absar. Mais moi, ma question précise, c'est sur ce verset où Allah subhanahu wa ta'ala a dit à Moussa, tu ne me verras pas. Ça va. La réponse, c'est que Allah subhanahu wa ta'ala dit tu ne me verras pas. Les savants en ont déduit, et c'est même l'unanimité des savants, que personne ne verra Allah subhanahu wa ta'ala, c'est vrai, mais dans ce monde d'ici-bas, dans cette vie d'ici-bas, personne ne verra Allah subhanahu wa ta'ala dans cette vie d'ici-bas. Mais dans l'au-delà, les versets sont clairs et les hadiths du prophète sallallahu alayhi wa sallam le sont encore plus. طيب يقول الشيخ حفظه الله تعالى الفائدة السادسة الإيمان بالقدر. الإيمان بالقدر خيره وشره، وقد جاء في القرآن آيات كثيرة وفي السنة أحاديث عديدة تدل على إثبات القدر. قال الله عز وجل إنا كل شيء خلقناه بقدر، وقال قل لن يصيبنا إلا ما كتب الله لنا، وقال ما أصاب من مصيبة في الأرض ولا في أنفسكم إلا في كتاب من قبل أن نبرأها إن ذلك على الله يسير. وأما السنة فقد عقد كل من الإمام البخاري والإمام مسلم في صحيحيهما كتابا للقدر اشتمل على أحاديث عديدة في إثبات القدر. Donc la sixième chose qu'il faut retenir de la partie du hadith où le prophète sallallahu alayhi wa sallam a répondu à Jibril alayhi salam lorsqu'il lui a demandé et quelle est la foi, le prophète sallallahu alayhi wa sallam lui a répondu la croyance, la foi c'est de croire en Allah, de croire en ses anges, en ses livres, de croire à ses envoyés, de croire au jour du jugement et enfin de croire au destin, qu'il soit bon ou mauvais. Donc le cheikh de cette partie du hadith que l'on a cité, la sixième chose qu'il faut retenir, c'est la croyance au destin, à la prédestination, le destin qu'il soit bon ou mauvais. Et les versets qui citent le destin sont très nombreux dans le Coran, de même que les hadiths du prophète sallallahu alayhi wa sallam le sont également. Allah azza wa jal dit selon le sens, nous avons créé toutes choses avec un destin. Et il dit aussi subhanahu wa ta'ala, dit Allah subhanahu wa ta'ala parle à son envoyé Muhammad sallallahu alayhi wa sallam, dit au Muhammad, rien ne nous atteindra en dehors de ce que Allah nous a prescrit. Et il dit aussi subhanahu wa ta'ala selon le sens, nul malheur n'atteint la terre, ni vos personnes, qui ne soit enregistré dans un livre, avant que nous ne l'ayons créé. Et cela est certes facile à Allah. Et quant à la sunna, l'imam al-Bukhari et l'imam muslim, dans leurs deux sahih, ont tous les deux fait un livre, appelé le livre du destin. Al-Bukhari et Muslim qui ont rapporté les hadiths du prophète sallallahu alayhi wa sallam, un grand nombre des hadiths du prophète sallallahu alayhi wa sallam, dans leur livre ont fait leur livre en chapitres, en plusieurs chapitres et des sous-chapitres. Et ils n'ont cité que les hadiths du prophète sallallahu alayhi wa sallam qui leur est parvenu. Al-Bukhari et Muslim ont cité les hadiths qui leur est parvenu du prophète sallallahu alayhi wa sallam, les ont rassemblés et les ont triés en séparant les hadiths du prophète sallallahu alayhi wa sallam par chapitre et par sous-chapitre. Et les savants ont déduit la science de l'imam al-Bukhari et de l'imam muslim, qu'Allah leur fasse miséricorde, seulement par leur simple fait d'avoir trié les hadiths du prophète sallallahu alayhi wa sallam et d'avoir nommé ces chapitres. Le simple fait d'avoir nommé ces chapitres et les sous-chapitres, c'est une preuve de la grande science qu'avaient ces deux hommes, qu'Allah leur fasse miséricorde. Et les hadiths rapportés par Al-Bukhari et Muslim sont authentiques. Les savants disent même que les hadiths rapportés par Al-Bukhari et Muslim à la fois, les hadiths dont les deux sont d'accord sur l'authenticité, font partie des hadiths les plus authentiques. Al-Bukhari, parmi les conditions qu'il avait pour accepter un hadith, Il fallait que chaque rapporteur ait rencontré l'autre. Il lui fallait une preuve que chaque rapporteur ait rencontré celui qui a rapporté le hadith. Et parmi les conditions aussi d'Al-Bukhari, rahimahullah, afin de mettre un hadith dans son sahih, il ne mettait pas un hadith dans son sahih sans avoir fait la prière de la consultation, sans avoir consulté Allah subhanahu wa ta'ala, à savoir s'il met ce hadith dans son sahih ou non. Quand un muslim, rahimahullah, il avait des conditions également, mais qui étaient moins strictes que celles d'Al-Bukhari, rahimahullah. Muslim, parmi ces conditions, il lui suffisait que les rapporteurs soient contemporains. Il lui suffisait d'avoir la preuve que les rapporteurs qui ont rapporté le hadith du prophète sallam aient vécu à la même époque. Et Al-Bukhari était le maître et l'enseignant de Muslim. Qu'Allah leur fasse miséricorde. Et les savants, à notre époque et depuis toujours, donnent une immense importance à ces deux livres. Al-Bukhari et Muslim. Sahih Al-Bukhari wa Muslim. Al-Sheikh Muqbir, rahimahullah, qu'Allah lui fasse miséricorde. Ce grand savant qui nous a quittés, le grand savant du Yémen, disait que lorsqu'il lit Al-Bukhari et Muslim, il oublie tous les soucis qu'il a sur cette terre. Pour lui, il trouve un délice à lire et à étudier ces deux livres, un délice tellement immense qu'il oublie tous les soucis de cette terre. Et Allah est témoin que Cheikh Muqbir rahimahullah en avait des soucis. Et les savants, à notre époque et depuis toujours, protège Al-Bukhari, Sahih Al-Bukhari et Sahih Muslim. Ils protègent ces deux livres et répondent à tous ceux qui osent mettre en doute l'authenticité des hadiths qui y sont contenus. Mais néanmoins, et c'est une remarque que je fais, il y a quelques hadiths qui sont où l'authenticité est à revoir dans Sahih al-Bukhari et Sahih Muslim. Quelques hadiths qui n'atteignent même pas une dizaine et que les savants connaissent. Et ceci nous montre que une personne, un savant, quelle que soit la science qu'il a atteint, il n'est jamais infaillible. Personne n'est infaillible, sauf le prophète sallallahu alayhi wa sallam. Donc le fait de dire qu'il a quelques hadiths dans Sahih al-Bukhari, cela n'est en aucun cas un reproche ou une critique que l'on fait à ce livre. Non, au contraire, ça nous prouve que personne n'est parfait, sauf le prophète sallallahu alayhi wa sallam. Donc c'était une parenthèse que je voulais faire concernant ces deux livres. Donc Al-Bukhari et Muslim ont, dans chacun de leurs livres, cité ou fait un chapitre appelé le chapitre du destin. Et ces deux chapitres, et ces chapitres qu'ils ont fait, contiennent énormément de hadiths qui prouvent et qui attestent l'existence du destin. Rawa Muslim fi sahihih an Abi Hurayra radiyallahu anhu qala Rasul Allah sallallahu alayhi wa sallam al-mu'min al-qawi خير وأحب إلى الله من المؤمن الضعيف وفي كل خير احرص على ما ينفعك واستعن بالله ولا تعجز وإن أصابك شيء فلا تقل لو أني فعلت كان كذا وكذا ولكن قل قدر الله وما شاء فعل فإن لو تفتح عمل الشيطان. المسلم رواه صحيح selon Abu Huraira radiallahu anhu, qui a dit, le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit, le croyant fort est meilleur et plus aimé chez Allah que le croyant faible. Mais dans les deux, il y a un bien. Dans les deux croyants, qu'ils soient forts ou faibles, il y a un bien. Ensuite, le prophète sallallahu alayhi wa sallam dit, fais des efforts afin d'appliquer ce qui te sera profitable et demande l'aide d'Allah dans ceci et ne t'affaiblis pas. Et si quelque chose t'atteint, ne dis pas, si j'avais fait ceci, eh bien, il se serait passé cela. Mais dis plutôt, c'est le destin d'Allah, et ce qu'il a voulu, et il fait ce qu'il veut. Ensuite, le professeur sallam dit, car là où le fait de dire si ouvre une porte vers les actes de Satan, vers les actes du diable, les actes du mal. Les savants ont expliqué que si le fait de dire si j'avais fait cela, eh bien il se serait passé cela, si je n'avais pas fait ça, eh bien ce malheur n'aurait pas eu lieu. Les savants ont dit que le si qui est interdit ou dont l'utilisation est interdite est le si qui est accompagné de remords, le si qui est accompagné de regrets, le si qui rejette et qui n'accepte pas le destin d'Allah subhanahu wa ta'ala. Et Al-Bukhari, comme je vous ai dit tout à l'heure, donc ça c'est une parenthèse que j'ouvre, les savants, comme je vous ai dit tout à l'heure, ont vu la grandeur de la science de cet homme Al-Bukhari seulement par le fait de donner un nom à ses chapitres et à ses sous-chapitres. Parmi les chapitres qu'il y a dans Sahih Al-Bukhari, les si, entre guillemets, qui sont autorisés. Un chapitre où Al-Bukhari, rahimahullah, cite tous les hadiths où le prophète sallam a utilisé le mot si. Et il a nommé ce chapitre les si, entre guillemets, qui sont autorisés. Il a cité des hadiths, comme par exemple le hadith du prophète sallallahu alayhi wa sallam lorsqu'il a dit si j'avais la possibilité de retourner dans le passé, je n'aurais pas pris avec moi al-hadi pendant le hajj, la bête à égorger. D'autres hadiths également où Abu Bakr radiallahu anhu a dit lorsque les associateurs l'ont poursuivi avec le prophète sallallahu alayhi wa sallam et qu'il s'est réfugié dans la caverne, il a dit si l'un d'entre eux avait regardé à ses pieds, il nous aurait vus. En parlant des associateurs. Et une autre parenthèse également que j'ouvre sur cette histoire, l'histoire de la caverne, l'histoire de l'araignée est fausse. Le fait qu'une araignée ait tissé sa toile à l'entrée de la grotte, et quand les associateurs sont arrivés, ont vu la toile tissée, on dit que il n'est pas possible que quelqu'un puisse rentrer. Ou pareil pour le nid de la colombe. Ces deux détails, le Cheikh Al-Albani rahimahullah ne les authentifie pas. Et ce qui est authentique, c'est qu'Allah subhanahu wa ta'ala a aveuglé les associateurs. Il a caché de leur vue le prophète sallallahu alayhi wa sallam et Abu Bakr radiallahu anhu. وروى مسلم بإسناد إلى طاووس قال أدركت ناسا من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم يقولون كل شيء بقدر. قال وسمعت عبد الله بن عمر يقول قال رسول الله صلى الله عليه وسلم كل شيء بقدر حتى العجز والكيس أو الكيس والعجز. المسلم rapport que Taous a dit, j'ai rencontré des compagnons du prophète sallallahu alayhi wa sallam qui disaient, toute chose a un destin, toute chose a une destinée. Et il dit, Taous dit, j'ai entendu Abdullah ibn Umar dire que le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit, toute chose a une destinée, toute chose existe avec une prédestination qu'Allah subhanahu wa ta'ala a décrété. Même l'incapacité et l'intelligence et la sagesse. Même la sagesse et l'incapacité qui sont, comme le dit Hacham Abdel Mohsen Abad, qui sont deux contraires. C'est pour prouver, le prophète sallallahu alayhi wa sallam a utilisé à la fois le terme de sagesse et d'intelligence et le terme d'incapacité pour montrer les deux opposés et pour appuyer sur le fait que toute chose, qu'elle soit bien ou mal, existe avec le destin d'Allah subhanahu wa ta'ala, avec un destin qu'Allah subhanahu wa ta'ala a décrété. والعجز والكيس ضدان فنشاط النشيط وكسل الكسول وعجز كل ذلك بقدر قال الإمام قال النووي في شرح الحديث ومعناه أن العاجز قد قدر عجزه والكيس قد قدر كيسه. Et l'imam al-Nawawi, qui a expliqué le Sahih de Muslim, dit dans son livre, et l'explication, c'est que l'incapable, son incapacité a été prédestinée. Et l'intelligent et le sage, son intelligence et sa sagesse a également été prédestinée. وقال صلى الله عليه وسلم ما منكم من أحد إلا وقد كتب مقعده من الجنة ومقعده من النار فقالوا يا رسول الله أفلا نتكل فقال اعملوا فكل ميسر فكل ميسر ثم قرأ فأما من أعطى واتقى وصدق بالحسنى إلى قوله للعسرى رواه البخاري ومسلم من حديث علي رضي الله تعالى عنه. Et le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit dans un hadith rapporté par Al-Bukhari et Muslim, où le prophète sallallahu alayhi wa sallam dit: chacun d'entre vous, sa place au paradis a été écrite, de même que sa place en enfer a été écrite. Ils ont dit, les compagnons, ô envoyé d'Allah, ne devons-nous pas nous fier au destin et arrêter tout acte? Le prophète sallallahu alayhi wa sallam leur a répondu: appliquez, faites ce qui vous est demandé et chacun sera facilité sur la chose pour laquelle il a été créé. Ensuite, Allah subhanahu, ensuite le prophète sallallahu alayhi wa sallam a cité le verset où Allah subhanahu wa ta'ala a dit: celui qui donne et craint Allah et déclare véridique la plus belle récompense, nous lui faciliterons la voie au plus grand bonheur. Et quant à celui qui est avare, se disperse de l'adoration d'Allah et traite de mensonge la plus belle récompense, nous lui faciliterons la voie à la plus grande difficulté. Donc dans ce hadith-là, ou dans ce verset, il y a la preuve que celui qui veut le bien et celui qui cherche le bien et à faire le bien, Allah subhanahu wa ta'ala lui facilitera. Et de même que celui qui veut le mal et qui veut faire le mal, Allah subhanahu wa ta'ala lui facilitera également cette voie vers le mal. Pour cela que le prophète sallam a dit: appliquez, faites ce qui vous est demandé. Et chacun, Allah subhanahu wa ta'ala lui facilitera. والحديث يدل على أن أعمال العباد الصالحة مقدرة وتؤدي إلى حصول السعادة وهي مقدرة وأعمالهم السيئة مقدرة وتؤدي إلى الشقاوة وهي مقدرة والله سبحانه وتعالى قدر الأسباب والمسببات وكل شيء لا يخرج عن قضاء الله وقدره وخلقه وإيجاده. Ensuite, Cheikh Abdel Mohsen Abad explique, et ce hadith prouve que les actes pieux que font les croyants ont été prédestinés. Et ces actes pieux ont pour conséquence la félicité, le bonheur qui lui également est prédestiné. De même que les mauvais actes sont prédestinés et les mauvaises conséquences qui s'en découlent, qui est le malheur et la mauvaise vie sur cette terre, et bien cela aussi est prédestiné. Et Allah subhanahu wa ta'ala a décrété ou à destiner à la fois les causes et les conséquences. Et nulle chose, aucune chose ne sort du décret d'Allah subhanahu wa ta'ala, de sa prédestination, de sa création. Rien qui existe sur cette terre ne peut sortir ou ne peut s'échapper du destin qu'Allah subhanahu wa ta'ala a décrété. وعن عبد الله بن عباس رضي الله عنهما قال كنت خلف رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال يا غلام إني أعلمك كلمات احفظ الله يحفظك احفظ الله تجده تجاهك إذا سألت فاسأل الله وإذا استعنت فاستعن بالله واعلم أن الأمة لو اجتمعت على أن ينفعوك بشيء لم ينفعوك إلا بشيء قد كتبه الله لك ولو اجتمعوا على أن يضروك بشيء لم يضروك إلا بشيء قد كتبه الله عليك رفعت الأقلام وجفت الصحف رواه الترمذي وقال هذا حديث حسن صحيح. Et son Abdullah ibn Abbas, qu'Allah l'agrée, il a dit, j'étais derrière le prophète sallallahu alayhi wa sallam un jour, puis il m'a dit, ô enfant, ô jeune homme, je vais t'enseigner quelques paroles. Préserve Allah et il te préservera. Et ici, une parenthèse que j'ouvre. Préserver Allah, qu'est-ce que cela signifie? Préserver Allah. Préserver Allah, c'est-à-dire préserver les ordres d'Allah, préserver les prescriptions d'Allah, appliquer les prescriptions d'Allah. Cette phrase est similaire au hadith du prophète sallallahu alayhi wa sallam qui dit la religion c'est le conseil. Ad-din al-nasiha. Les compagnons du prophète sallallahu alayhi wa sallam ont répondu envers qui le conseil, ô envoyé d'Allah? لمن يا رسول الله قال لله ورسوله إلى آخر الحديث. Alors le prophète صلى الله عليه وسلم lui dit le conseil, lorsque les compagnons l'ont demandé envers qui ou pour qui le conseil, le prophète صلى الله عليه وسلم leur a répondu le conseil envers Allah. Comment est-ce qu'un croyant peut conseiller Allah? C'est inconcevable. Les savants ont expliqué ce hadith en disant que conseiller Allah, c'est-à-dire appliquer ses ordres et délaisser ses interdits. De même dans ce hadith, lorsque le prophète sallallahu alayhi wa sallam dit à Abdullah ibn Abbas, préserve Allah, c'est-à-dire applique ses ordres et délaisse ses interdits. Préserve Allah et tu le trouveras devant toi. Lorsque tu demandes, ne demande qu'à Allah. Et lorsque tu implores une aide, ne l'implore que à Allah. Et sache que si la communauté se rassemblait afin de t'apporter un bien, ils ne t'apporteront qu'un bien qu'Allah subhanahu wa ta'ala t'aura destiné. Et s'ils se rassemblaient pour t'apporter un mal, eh bien sache qu'ils ne t'apporteront qu'un mal qu'Allah subhanahu wa ta'ala t'aura destiné. Les plumes ont été relevées et les pages ont séché. C'est-à-dire ce qui a été écrit dans le grand livre, le livre préservé. Et on en parlera inchallah ensuite. Tout ce qui a été écrit, les plumes ont été relevées, ont été enlevées et l'encre présente sur les feuilles a séché. Cela veut dire que c'est un livre qui est infalsifiable, un livre qui ne peut pas être modifié. Et le Cheikh Abdel Mohsin va en parler ensuite. والإيمان بالقدر له أربع مراتب لا بد من اعتقادها. المرتبة الأولى علم الله الأزلي في كل ما هو كائن، فإن كل كائن قد سبق به علم الله أزلا. ولا يتجدد له علم شيء لم يكن عالما به أزلا. Et la croyance au destin, à la prédestination, c'est de croire à quatre choses, de savoir quatre choses et d'y croire. Donc quand on vous pose la question, qu'est-ce que la croyance au destin, il faut répondre, c'est quatre choses que Cheikh Abdel Mohsin, qu'Allah le préserve, va citer. La première chose, c'est la science d'Allah subhanahu wa ta'ala depuis toujours. Il connaît tout, tout ce qui est existant est connu d'Allah subhanahu wa ta'ala depuis toujours. Il n'y a pas un moment où Allah subhanahu wa ta'ala n'a pas su. Depuis toujours, il le sait. Car Allah subhanahu wa ta'ala n'a pas de début, comme on l'a vu précédemment. Il n'a pas de début et il n'a pas de fin. Donc, il a toujours su et il saura toujours. Contrairement à nous, les êtres humains, comme Allah subhanahu wa ta'ala a dit dans le Coran selon le sens, Allahu akhrajakum min buduni ummahatikum la ta'lamuna shay'an. Allah vous a fait sortir du ventre de vos mères et vous ne connaissiez rien. Contrairement à nous, il y a un jour où, si on connaît quelque chose, eh bien il est obligatoirement un jour J où on a appris cette chose. Allah subhanahu wa ta'ala n'a pas de début, n'a pas de fin. Sa science également n'a pas de début et n'a pas de fin. Tout ce qui a existé sur cette terre, tout ce qui existe et tout ce qui existera, Allah subhanahu wa ta'ala l'a toujours su. Donc ça, c'est la première chose qu'il faut savoir et croire, en laquelle il faut croire. La deuxième chose, الثانية, كتابة كل ما هو كائن في اللوح المحفوظ قبل خلق السماوات والأرض بخمسين ألف سنة لقوله صلى الله عليه وسلم كتب الله مقادير الخلائق قبل أن يخلق الله السماوات والأرض بخمسين ألف سنة قال وعرشه على الماء رواه مسلم من حديث عبد الله بن عمرو رضي الله عنهما. La deuxième chose à laquelle il faut croire et qu'il faut attester, c'est l'écriture. De croire que tout ce qui est existant, tout ce qui a existé, tout ce qui existe et tout ce qui existera a été écrit dans Al-Lawh Al-Mahfoud. Si on traduit littéralement, ça donnerait des planches préservées. Des planches préservées. Donc tout ce qui a existé, tout ce qui existe et tout ce qui existera a été écrit dans un livre préservé, et ceci avant la création des cieux et de la terre, avant qu'Allah subhanahu wa ta'ala ait créé les cieux et la terre de 50 000 ans. 50 000 ans avant qu'Allah subhanahu wa ta'ala ait créé les cieux et la terre, toutes les choses, tout ce qui aura lieu sur la terre a été écrit. Avant qu'Allah subhanahu wa ta'ala ne créer les cieux et la terre de 50 000 ans. La preuve est le hadith du prophète sallallahu alayhi wa sallam qui dit Allah subhanahu wa ta'ala a écrit la destinée de chaque créature avant qu'Allah subhanahu wa ta'ala ait créé les cieux et la terre de 50 000 ans. Ensuite le prophète sallallahu alayhi wa sallam dit wa 'arshuhu 'ala al-ma. Et le trône d'Allah était sur l'eau. Hadith rapporté par Muslim, selon Abdullah ibn Amr, qu'Allah l'agrée. Donc la première chose, c'est la science d'Allah subhanahu wa ta'ala, qu'Allah subhanahu wa ta'ala a toujours su. La deuxième chose, l'écriture. Tout ce qui existe, tout ce qui a existé, existe et existera, a été écrit. مشيئة الله وإرادته فإن كل ما هو كائن إنما حصل بمشيئة الله ولا يقع في ملك الله إلا ما أراده الله فما شاء الله كان وما لم يشأ لم يكن قال الله عز وجل إنما أمره إذا أراد شيئا أن يقول له كن فيكون وقال وما تشاءون إلا أن يشاء الله رب العالمين. La troisième chose, qui est la volonté d'Allah subhanahu wa ta'ala. tout ce qui existe sur cette terre, tout ce qui a existé, existe et existera, et bien tout cela a existé par la volonté d'Allah subhanahu wa ta'ala. Et rien dans ce monde, rien que ce soit dans les cieux ou dans la terre, n'a lieu sans qu'Allah subhanahu wa ta'ala ne l'ait voulu. Tout ce qu'il veut est, et tout ce qu'il ne veut pas n'est pas. Allah subhanahu wa ta'ala dit selon le sens, son commandement, lorsqu'il désire quelque chose, c'est de dire soit, et il est, ou il et elle est la chose. Il dit aussi subhanahu wa ta'ala selon le sens, vous ne pouvez vouloir que si Allah veut, lui, le Seigneur de l'univers. والرابعة إيجاد كل ما هو كائن وخلقه بمشيئة الله وفقا لما علمه أزلا وكتبه في اللوح المحفوظ فإن كل ما هو كائن من ذوات وأفعال هو بخلق الله وإيجاده كما قال الله عز وجل الله خالق كل شيء وقال والله خلقكم وما تعملون إلى كتخيم شوز qui est la création. La quatrième chose qui est la création, tout ce qui existe, toutes les créatures présentes, elles ont été créées par Allah subhanahu wa ta'ala, conformément à ce qu'il a toujours su et à ce qui a été écrit dans le livre préservé. Tout ce qui existe, quelle que soit la nature de cette chose, c'est une créature d'Allah subhanahu wa ta'ala. Elle a été créée par Allah subhanahu wa ta'ala. Il dit selon le sens, Allah subhanahu wa ta'ala dit selon le sens, Allah a créé toute chose. Et il dit aussi, Allah vous a créé ainsi que ce que vous œuvrez. Les personnes ont été créées de même que les actes qu'ils accomplissent, qu'ils soient bons ou mauvais, ont été créés également par Allah subhanahu wa ta'ala. Donc ce sont les quatre choses, les quatre étapes qu'il faut connaître pour faire partie de ceux qui ont cru au destin. Pour faire partie de ceux qui ont cru au destin. Donc la science d'Allah subhanahu wa ta'ala depuis toujours, l'écriture dans le livre préservé, la volonté d'Allah subhanahu wa ta'ala, tout ce que Allah veut est et tout ce qu'il ne veut pas n'est pas. Et la quatrième, Allah subhanahu wa ta'ala a créé toute chose. وَالْإِيمَانُ بِالْقَدَرِ هُوَ مِنَ الْغَيْبِ الَّذِي لَا يَعْلَمُهُ إِلَّا اللَّهِ وَيُمْكِنُ أَنْ يَعْلَمَ الْخَلْقُ مَا هُوَ مُقَدَّرٌ بِأَحَدِ أَمْرَيْنِ. Et la croyance au destin fait partie de l'invisible. Il y a des choses en rapport avec le destin qui nous sont, qu'on ne peut pas atteindre, qu'on ne peut pas connaître. C'est pour cela que certains savants disent que le destin, c'est le secret d'Allah. Le destin, c'est le secret d'Allah. Donc si des personnes parmi nous n'ont pas compris des choses, ou des choses sont ambiguës concernant le destin, eh bien il faut savoir que c'est le secret d'Allah subhanahu wa ta'ala. Et un musulman, une chose dont il est sûr, c'est qu'Allah subhanahu wa ta'ala n'offense personne. Est-ce qu'un musulman peut penser qu'Allah subhanahu wa ta'ala peut l'offenser? Non. Allah subhanahu wa ta'ala, c'est le plus juste des justes. Donc si le diable vient avec des insufflations et te donne des idées, des choses qui te troublent concernant le destin, par exemple de dire pourquoi faire la prière, etc., alors que déjà tout a été créé, alors qu'Allah subhanahu wa ta'ala a déjà tout destiné. Beaucoup se posent cette question-là. Et très peu, malheureusement, n'ont la réponse à cette question. Et ceux qui n'ont pas la réponse, eh bien, ils doivent se baser sur la certitude qu'ils ont. C'est qu'Allah subhanahu wa ta'ala n'offense personne. Allah subhanahu wa ta'ala, il n'est pas injuste. Allah subhanahu wa ta'ala, bien au contraire, c'est le plus juste des justes. والإيمان بالقدر هو من الغيب الذي لا يعلمه إلا الله، ويمكن أن يعلم الخلق ما هو مقدر بأحد أمرين. Donc le destin, cela fait partie des choses qui rentrent dans le cadre de l'invisible. Ce qui se passe plus tard, ce qu'Allah subhanahu wa ta'ala a décrété dans le futur, personne ne peut le savoir, sauf Allah subhanahu wa ta'ala. قُلْ لَا يَعْلَمُ الْغَيْبَ إِلَّا اللَّهِ. Dit, personne ne connaît l'invisible, sauf Allah. Et Al-Shir al-Muhsin al-Abad dit, et il est possible aux créatures, il est possible aux êtres humains, de connaître ce qui a été prédestiné, et ceci par deux choses. Il y a deux choses qui permettent à l'être humain de connaître une chose destinée par Allah subhanahu wa ta'ala. Il y en a deux et pas trois. الأمر الأول الوقوع، فإذا وقع شيء علم بأنه مقدر، لأنه لو لم يقدر لم يقع، فإنه ما شاء الله كان، وما لم يشأ لم يكن. La première chose qui nous permet de savoir ou de connaître qu'une chose a été destinée, c'est le fait qu'elle ait lieu, que cette chose ait eu lieu. Car tout ce qui a eu lieu, tout ce qui a lieu, a été prédestiné. Et si cette chose n'avait pas été prédestinée, elle n'aurait pas eu lieu. Car tout ce qu'Allah veut est, et tout ce qu'il ne veut pas n'est pas. Donc s'il t'arrive quelque chose, eh bien sache avec certitude que cette chose t'a été prédestinée. Car si elle n'avait pas été prédestinée, eh bien elle n'aurait pas eu lieu. Donc ça, c'est la première chose par laquelle ou à travers laquelle l'être humain peut connaître une chose qui lui était prédestinée. والثاني حصول الإخبار عن حصول الإخبار من رسول الله صلى الله عليه وسلم عن أمور تقع في المستقبل، مثل إخباره صلى الله عليه وسلم عن الدجال ويأجوج ومأجوج ونزول عيسى بن مريم وغيرها من الأمور التي تقع في آخر الزمان، فهذه الأخبار تدل على أن هذه الأمور لا بد أن تقع، وأنه سبق بها قضاء الله وقدره. ومثل إخباره صلى الله عليه وسلم عن أمور تقع قرب زمانه عليه السلام، ومن ذلك ما جاء في حديث أبي بكر رضي الله عنه قال: سمعت النبي صلى الله عليه وسلم على المنبر والحسن إلى جنبه ينظر إلى الناس مرة وإليه مرة ويقول: ابني هذا سيد، ولعل الله أن يصلح به بين فئتين من المسلمين. وقد وقع ما أخبر به الرسول الكريم صلى الله عليه وسلم في عام 41 من الهجرة، حيث اجتمعت كلمة المسلمين وسمي عام الجماعة، والصحابة رضي الله عنهم وارضاهم فهموا من هذا الحديث أن الحسن رضي الله عنه لن يموت صغيرا، وأنه سيعيش حتى يحصل ما أخبر به الرسول صلى الله عليه وسلم من الصلح، وهو شيء مقدر علم الصحابة به قبل وقوعه. Et la deuxième chose par laquelle l'on connaît qu'une chose, qu'un acte ou quelque chose qui a lieu a été prédestiné, ce sont les choses dont lesquelles le prophète sallallahu alayhi wa sallam nous a informés. Les choses futures dont lesquelles le prophète sallallahu alayhi wa sallam nous a informés. Comme par exemple les informations que le prophète sallallahu alayhi wa sallam nous a fournies concernant Ad-Dajjal, l'antéchrist, l'imposteur, qui vers la fin des temps éprouvera les gens présents sur terre, de même que Ya'juj et Ma'juj, que beaucoup de vous connaissent sous le nom de Gog et Magog, de même que la descente de Isa alayhi salam dans la fin des temps. Isa alayhi salam descendra, une parenthèse pour ceux qui ne le sauraient pas, Allahu alam, mieux vaut le dire que pas, Isa alayhi salam, Jésus n'a pas été tué. Isa alayhi salam est vivant. Allah subhanahu wa ta'ala l'a élevé auprès de lui. Et Allah subhanahu wa ta'ala le fera redescendre vers la fin des temps afin de tuer l'antéchrist, de tuer l'imposteur. Isa alayhi salam descendra sur terre et appliquera et suivra la religion de Muhammad sallallahu alayhi wa sallam, suivra l'islam. Il cassera les croix, tuera les porcs. Ceci sont des choses dont le prophète sallallahu alayhi wa sallam nous a informé. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam, qui quand il parle, sa parole est une révélation. Allah subhanahu wa ta'ala lui révèle. Et le prophète sallallahu alayhi wa sallam, quand il parle, il est véridique. Tout ce que le prophète sallallahu alayhi wa sallam nous dit est vrai. Donc chaque musulman se doit de croire que Isa alayhi salam n'a pas été crucifié. Isa alayhi salam, comme Allah subhanahu wa ta'ala a dit, celui qui a été crucifié était une personne qui ressemblait à Isa. وَمَا قَتَلُوهُ وَمَا صَلَبُوهُ وَلَكِنْ شُبِّهَ لَهُمْ. Ils ne l'ont pas tué, comme Allah subhanahu wa ta'ala dit dans le Coran, ils ne l'ont pas tué ni crucifié, mais c'était une personne qui leur a apporté une confusion. La personne qui a été crucifiée ressemblait à Isa alayhi salam et apportait confusion ceux qui l'ont tué et ont cru qu'ils avaient tué Jésus alayhi salam. Mais Allah subhanahu wa ta'ala dit wa ma qataluhu wa ma salabuhu. Allah a dit ils ne l'ont pas tué, ils ne l'ont pas crucifié. Et Allah a dit dans un autre verset bar rafa'ahu Allah ilayhi. Allah subhanahu wa ta'ala l'a élevé auprès de lui. C'est une croyance que chacun, chaque musulman doit avoir avec certitude, sans avoir aucun doute. Donc ce sont des choses dont le prophète sallallahu alayhi wa sallam nous a informé. La venue de l'antéchrist, la descente de Isa alayhi salam. Tout ce dont le prophète sallallahu alayhi wa sallam nous a informé prouve que ces choses vont effectivement avoir eu lieu, vont avoir lieu. Et si ces choses dont on croit avec certitude qu'elles vont avoir lieu, eh bien automatiquement, ce sont des choses qui ont été destinées, prédestinées. Car si elles n'avaient pas été prédestinées, elles n'auraient pas eu lieu. De même, les choses dont le prophète sallallahu alayhi wa sallam nous a informé qui auront lieu peu après sa mort, alayhi salam. Comme cela a été cité dans le hadith de Abu Bakr, radiyallahu anhu. Et une parenthèse que j'ouvre, il y a deux compagnons, un qui s'appelle Abu Bakr et l'autre qui s'appelle Abu Bakr. Il ne faut pas les confondre. Donc, le hadith Abu Bakr, qu'Allah l'a guéri, qui a dit j'ai entendu le prophète sallallahu alayhi wa sallam alors qu'il était sur le minbar. Et Al-Hassan, qui est Al-Hassan? Son petit-fils. Al-Hassan, qui est le petit-fils du prophète sallallahu alayhi wa sallam, le fils de Ali ibn Abi Talib radiallahu anhu. Et Al-Hassan, qui était aux côtés du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Et le prophète sallallahu alayhi wa sallam regardait à la fois les gens et regardait Al-Hassan qui était à ses côtés. Puis il a dit mon fils est un Sayyid. Un Sayyid, c'est une personne qui a une grande importance. Et Allah subhanahu wa ta'ala fera en sorte qu'il réconciliera deux groupes de musulmans. Allah subhanahu wa ta'ala, par l'intermédiaire de Al-Hassan, il va réconcilier deux groupes de musulmans qui se seront divergés, qui se seront divisés. Et Cheikh Abdul Muhsin continue en disant Hafidhahullah, et effectivement, ce dont a informé le prophète sallallahu alayhi wa sallam a bel et bien eu lieu en l'an 41 de l'Hégire, lorsque la parole des musulmans a été rassemblée. Cette année, l'année 41 de l'Hégire, a même été appelée l'année du rassemblement. Et les compagnons, radiallahu anhum, avaient compris de ce hadith que le Hassan, radiallahu anhu, qui était un enfant, au moment où le prophète, sallallahu alayhi wa sallam, avait dit ces paroles, ils avaient compris, ils avaient déduit de cette parole du prophète, sallallahu alayhi wa sallam, que le Hassan ne mourra pas jeune, il ne mourra pas petit, et qu'il vivra au minimum jusqu'à ce que ce dont le prophète sallallahu alayhi wa sallam a informé aura lieu. Et ceci, la réconciliation de l'Hassan radiallahu anhu entre ces deux groupes de musulmans est une chose prédestinée qui était connue des compagnons radiallahu anhum avant que cette chose ait eu lieu. C'est clair? Donc les deux choses qui nous permettent de savoir qu'un acte ou qu'un fait a été destiné, la première c'est que cette chose a eu lieu, et la deuxième c'est ce dont le prophète sallallahu alayhi wa sallam nous a informé. والله سبحانه وتعالى خالق كل شيء ومقدره قال الله عز وجل الله خالق كل شيء وقال وخلق كل شيء فقدره تقديرا فكل ما هو كائن من خير وشر هو بقضاء الله وقدره ومشيئته وإرادته وأما ما جاء في حديث علي رضي الله عنه في دعاء النبي صلى الله عليه وسلم الطويل وفيه والخير كله في يديك والشر ليس إليك رواه مسلم فلا يدل على أن الشر لا يقع بقضائه وخلقه وإنما معناه أن الله لا يخلق شرا محضا لا يكون لحكمة ولا يترتب عليه فائدة بوجه من الوجوه وأيضا طيب يا الله سبحانه وتعالى أكري toute chose et a prédestiné toute chose. Comme il le dit dans le Coran selon le sens, Allah a créé toute chose. Il dit aussi dans un autre verset selon le sens, et Allah a créé toute chose, il lui a donné une prédestination. Donc tout ce qui existe, de bien ou de mal, existe par le décret et par la prédestination d'Allah subhanahu wa ta'ala, et par sa volonté. Et concernant ce qui a été rapporté dans le hadith de Ali radiallahu anhu, qui a cité une invocation du prophète sallallahu alayhi wa sallam, et le hadith est très long, il est dit dans cette invocation, le prophète sallallahu alayhi wa sallam dit, et le bien, tout le bien est entre tes mains, et le mal n'est pas à toi. Alors le prophète sallallahu alayhi wa sallam, en disant une invocation, donc il parle à Allah subhanahu wa ta'ala, il dit, et le bien, tout le bien est entre tes mains, et le mal n'est pas en toi. Hadith rapporté par Muslim. Al-Sheikh Abdul Muhsin al-Abbad explique et dit, ce hadith ne prouve pas que le mal n'a pas lieu ou n'a pas été créé par Allah subhanahu wa ta'ala, il n'a pas été prédestiné par Allah subhanahu wa ta'ala. En aucun cas, ce hadith est une preuve de cela. Mais le sens, c'est qu'Allah subhanahu wa ta'ala ne crée pas un mal pur, un mal qui n'a pas, où il n'y a pas de sagesse derrière, un mal qui n'a pas pour conséquence un bien, sous quelque forme que ce soit. Donc le mal, qui est pour nous un mal, n'est pas un mal en vérité. On le considère comme mal, mais derrière il y a une sagesse. Derrière, il y a une conséquence bénéfique. Et celui qui la connaît, alhamdulillah, celui qui ne la connaît pas, il se doit de patienter. C'est pour cela que les savants conseillent souvent les gens de patienter dans ce qu'Allah subhanahu wa ta'ala a décrété, a destiné. Pourquoi ? Car toute chose qui pour nous est un mal, elle ne l'est pas pour Allah subhanahu wa ta'ala, car il y a une sagesse derrière. Et pour vous donner un exemple, concret, donc l'exemple c'est moi qui le donne, c'est pas cher, une personne qui par exemple a eu une affection au niveau de sa jambe, une affection irréfutable, une affection qui, où il n'y a pas de retour, où tous les médecins sur cette terre disent que le seul recours pour que cette personne survive, c'est l'amputation. L'amputation en elle-même, c'est un mal ou pas ? Vous allez me dire oui. Mais ce mal-là, qu'est-ce qu'il y a derrière ? Il y a la survie, qui est un bien, qui est une sagesse. Et ce malade, lorsqu'il se réveillera après son opération, lorsqu'il va voir qu'il n'a plus de jambes, pour lui, c'est un grand malheur qui l'aura atteint. Mais lorsqu'on lui dira ensuite que cette amputation a été faite pour assurer sa survie, il verra cette chose autrement. Il ne verra pas cette amputation comme un mal, mais plutôt comme un bien. Donc c'est un exemple que je vous ai donné pour illustrer ce que Cheikh a dit. وأيضا الشر لا يضاف إليه استقلالا بل يكون داخلا تحت عموم كما قال الله عز وجل الله خالق كل شيء وقال إنا كل شيء خلقناه بقدر فيتأدب مع الله بعدم نسبة الشر وحده إلى الله ولهذا جاء فيما ذكره الله عن الجن تأدبهم بنسبة الخير إليه وذكر الشر على البناء المجهول على البناء للمجهول قال الله عز وجل وأنا لا ندري أشر أريد بمن في الأرض أم أراد بهم ربهم رشدا وفي الأولى قال الجن لا ندري أشر أريد فهنا البناء للمجهول أشر أريد بمن في الأرض أم أراد بهم ربهم أم أراد بهم ربهم رشدا Et de même, le mal ne doit pas être ajouté à Allah subhanahu wa ta'ala comme ça, cru. On ne doit pas dire par exemple qu'Allah subhanahu wa ta'ala a créé le mal. Ce serait manquer de respect envers Allah subhanahu wa ta'ala de dire qu'il a créé le mal comme ça. Le mieux est de dire, comme Allah subhanahu wa ta'ala l'a dit dans le Coran, selon le sens, Allah a créé toute chose. Et toute chose, cela englobe à la fois le bien et le mal. Il dit aussi, subhanahu wa ta'ala, nous avons créé toute chose avec une prédestination. Et toute chose, cela englobe le bien et le mal. Donc, le musulman se doit d'avoir un bon comportement envers Allah subhanahu wa ta'ala et de ne pas dire qu'Allah subhanahu wa ta'ala a créé le mal, car c'est un manque de respect envers notre créateur. Et la preuve aussi, et c'est là où on voit la science des savants, comment ils comprennent le Coran et ce qu'ils en déduisent, la preuve que l'on se doit d'avoir un bon respect envers Allah subhanahu wa ta'ala et le verset cité dans Sourate Al-Jinn, lorsque les djinns ont dit « Nous ne savons pas si on veut du mal aux habitants de la terre ou si leur Seigneur veut les mettre sur le droit chemin. » Donc qu'est-ce qu'ils ont dit les djinns ? « Nous ne savons pas si on veut du mal. » Mais le mal, c'est qui l'a créé ? C'est Allah subhanahu wa ta'ala. Allah a créé toute chose. Mais ils ont dit, si on veut du mal. Et ensuite, ils ont dit, si on veut du mal aux habitants de la terre, ou si leur Seigneur leur veut ou veut les mettre sur le droit chemin. Et là, c'est un bien. Et lorsqu'ils ont cité le bien, ils ont cité Allah. Lorsque leur Seigneur veut les mettre sur le droit chemin. Et lorsqu'ils ont cité le mal qui est atteint ou qui atteint les habitants de la terre, ils ont dit si on veut du mal. Mais en parlant de qui ils ont dit ça? En parlant d'Allah. Mais ils n'ont pas cité Allah explicitement. Et ceci par respect vis-à-vis d'Allah subhanahu wa ta'ala. Et les savants ont déduit de ce verset, justement, que le fait de dire qu'Allah subhanahu wa ta'ala a créé un mal ou a créé le mal, c'est un manque de respect envers Allah azza wa jal. ونكتفي بهذا القدر وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين.